sonner, c'est la nouvelle année. Chacun peut s'embrasser en se souhaitant de vivre longtemps. Oui, chantez, dansez, surtout amusez-vous. Quand je vais chanter à Pékin, à Londres, à Rome, à Berlin, je m'arrange toujours pour passer le réveillon à Paris. Moi qui suis un vagabond, mon cœur a mille raisons d'être présent pour fêter le réveillon à Paris. Oh, oh, eh. Oh, oh, eh. La neige peut tomber ce soir. Oh, oh, eh. Oh, oh, eh. C'est quand même une nuit d'espoir. Ah, ah. Ah, si je pouvais changer les jours du calendrier, je ferai du premier de chaque mois le réveillon à Paris. Madame, connaissez-vous votre voisin? Non? Alors serrez-lui la main. On est tous là pour passer le réveillon à Paris. Monsieur, connaissez-vous votre voisine? Comment? Vous dites que c'est votre cousine. Elle est venue pour fêter le réveillon à Paris. Oh, oh, eh, oh, oh, eh. La neige peut tomber ce soir. Oh, oh, eh, oh, oh. C'est quand même une nuit d'espoir. Ah, ah. Au monde, il y a cette merveille, des cieux au bleu sans pareil. Mais il n'existe qu'un seul réveillon.